Stéphanie, parlez-nous de votre nouvelle vie. C'est arrivé par hasard. J'ai gagné un séjour à la campagne et j'ai fait la connaissance d'un éleveur de moutons. J'ai tout de suite aimé cette vie, en harmonie avec la nature. Comment avez-vous appris le métier d'agricultrice ? Eh bien, c'est un peu grâce à vous. Vous m'avez bien conseillé. J'ai fait une formation par alternance. En fait, j'ai suivi une formation agricole et j'ai travaillé à la ferme.